Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, il est 17h tout pile, nous sommes le vendredi 9 décembre 2016, c'est un coup d'œil dans le rétro. Alors bienvenue, hein, encore une fois dans notre émission. Une fois par mois, on décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs au niveau local et national. En somme, une émission, on vous parle du passé au présent. Alors mes partenaires du jeu, ils sont là aujourd'hui, il fait quasiment nuit, mais c'est incroyable ça. C'est vrai que ça, je viens de m'en rendre compte dans le studio. Il y a Anaïk, bonjour à toi Anaïk. Bonjour François. Es-tu en forme ? Je suis en forme. Moi je suis content de vous retrouver dans ce deuxième vendredi, parce qu'habituellement c'est le troisième vendredi hein, chaque mois, mais là exceptionnellement c'est le 9 décembre, donc aujourd'hui il y a aussi Jack. Bonjour à tous à toutes. Qui revient toujours de ses pérégrinations. Oui, je n'arriverai jamais. Coup d'œil dans le métro. C'était coup d'œil dans le métro. Voilà. Et donc, on aura certainement aussi une invitée. J'ai pas envie de dire certainement, mais j'ai dire pour sûr. C'est Christelle Youplaboum. Salut François. Et rien qu'avec son prénom, elle me donne la joie. Rien qu'avec ce Youplaboum derrière. Et donc, Christelle, on va. Alors, Christelle, tu es le fil rouge de l'émission. Il faut le savoir, notre invité est le fil rouge. D'ailleurs, ta coupe de cheveux s'y prête bien. Et donc, tu es le fil rouge de notre émission. Donc, on va parler de toi dans un premier temps. Et tu aussi, tu interagiras sur les différentes chroniques pour nous donner aussi ton avis. T'es d'accord? Ouais, ça va. T'as signé le contrat? Non, mais c'est bon. C'est bon. C'est un contrat de confiance. C'est un contrat de confiance. Oh, alors, voilà. Anaïk, le programme du jour. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de plein de choses. On va parler de Christelle, bien sûr. On parlera aussi d'éco. Et puis, le mois un peu s'y prête, on parlera de décoration de Noël. Dans la mode, j'avais envie de vous parler d'un petit accessoire qui revient en force. C'est le pins. Ah bah oui, moi j'en ai plein. Oui, bah le pins, vous en trouverez partout encore pour cet hiver. Jack nous contera un peu ses aventures. Oui. Et puis... rentre dans la peau d'un personnage. Ça ne seront pas mes aventures pour une fois, mais... Alors ces aventures, rêver peut-être. Ah oui, ça c'est certain. Hein. Ah voilà. On confirme. Hein. Voilà. Et puis on terminera par les sorties locales et puis un petit peu plus loin aussi. Voilà. Donc il y a beau programme encore, on est ensemble pour une heure et malheureusement, je tiens à l'annoncer aujourd'hui, c'est la dernière. La dernière de l'année, mais oui, pas la dernière. Voilà, mais je voulais faire un petit suspense. Donc c'est la dernière de l'année 2007 et nous fêterons en janvier eh bien, nos 3 ans. Hein, 3 ans d'émission, 3 ans de succès. Hein, les télés nous arrachent, hein, bien évidemment. Les télés nous réclament. Les télés nous réclament, elles ne sont pas encore tout à fait là, mais bon. Les producteurs me harcèlent chaque jour. Voilà, mais on prend déjà beaucoup de plaisir à faire cette émission, donc n'hésitez pas à... eh bien, nous prouver votre amour parce qu'on a envie, on en a besoin en ce mois de décembre, elle serait frais. Donc rejoignez-nous sur la page Facebook de l'émission Un coup d'œil dans le rétro 94.2. N'hésitez pas parce qu'on fait tout à l'ancienne. Donc les dédicaces, c'est aussi par là que ça passe, c'est par le Facebook. Donc ça, c'est le côté moderne. Mais vous pouvez aussi nous faire des petites demandes et on fait des petites dédicaces journalières. D'ailleurs, je tenais juste, parce que j'y pense, à faire un petit coucou à Audrey qui devait venir aujourd'hui mais qui n'a pas pu. Ah oui, elle avait gagné une émission. Voilà, qui avait gagné en fait le fait de venir assister à l'émission. Ah oui, elle a gagné une Ferrari aussi, je crois. Ah oui, bon, alors ça vient de c'était ça. Venue, hein, je pense. Hein. Et donc, elle peut pas venir, malheureusement. Voilà, donc je l'embrasse et puis je lui dis à tout à l'heure, parce que je la verrai tout à l'heure. Bon, bah d'accord. Voilà. Et moi aussi, j'ai quelques bons jours à donner, parce qu'il y a quand même du monde qui nous écoute. Alors, donc, il y a la boutique Villemain, rue Jean Mermoz, les Princes de Mermoz à Paris, qui nous écoute. D'accord. Il y a Leslie aussi qui nous écoute dans sa voiture. Il y a Pierre en Angleterre. Paul Clément Collin, le dieu de Boîtier Rouge, qui nous écoute aussi. Benjamin de Troyes. J'en oublie, mais il y a pas mal de monde qui nous écoute. Alors, je vous embrasse tous. Et ben moi, je ferai une petite dédicace juste après. Alors, on va aussi faire une grosse dédicace et une grosse partie d'interview avec notre invité du jour. Christelle, bonjour à toi. Bonjour. Je passe la main à Anaïk, hein, c'est elle qui s'occupe de ça. Moi, je passe le bébé, je laisse le bébé. Le bébé, c'est Christelle. Oui, c'est ça. Alors Christelle, on est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc je vais te présenter un petit peu brièvement, mais brièvement, c'est pas forcément le mot parce que tu as en fait il y a plein de choses à dire sur toi. Tu as de multiples casquettes. Donc tu es tout d'abord styliste. Tu animes des ateliers donc de couture pour adultes et enfants. Tu crées des vêtements, des doudous, des accessoires. accessoires sous le nom donc d'une marque qui s'appelle Ilo Mio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu es styliste, tu es aussi graphiste, hein, tu animes des ateliers d'art plastique pour enfants et adolescents, tu crées des affiches, des faire-part, ainsi que des illustrations et des peintures sous le pseudo effectivement de Christelle Youplaboum. C'est quasiment juste. C'est quasiment juste. Super. Mais tu fais pas que ça, parce que j'ai vu aussi que tu crées aussi des spectacles oui. Pour enfants avec NAC Imagine, c'est ça? NAC Imagine. Voilà. On était presque. Hein. Voilà. Donc voilà, Christelle, c'est tout ça. C'est plein de choses. C'est une entreprise de 214 personnes. À la fois du stylisme, à la fois. C'est des du dizaines graphisme. De milliers de kilomètres par an. Non, voilà. Mais voilà, il y a plein de choses à dire. C'est des tonnes de tissus. Arrête. Et donc en l'occurrence, Christelle, pour en venir, t'as un parcours où t'as pas mal voyagé aussi. Ouais, pas mal. Et c'est ce qui est dans ce secteur dans lequel tu évolues. Est-ce que justement les voyages sont utiles justement à la création? Ah ouais. Déjà pour moi c'est vraiment important. Ouais. Mais aussi dans la création pour m'inspirer de nouvelles choses et notamment pour faire des illustrations humoristiques. C'est comme ça que ça a commencé en fait quand j'étais en Australie. D'accord. Donc il y a toujours une touche plus ou moins humoristique. Donc là c'est on parle sur les cartes postales. Et pourquoi choisir? Alors pour une petite question comme ça, pourquoi choisir la pin-up moderne? Bon après moderne est devenu moderne. C'est symbolique pour toi? Il y a quelque chose derrière ça? En fait, c'est venu avec les illustrations que j'ai commencé à faire en Australie, qui étaient vraiment humoristiques et ça a vraiment plu aux gens. Mmh. Et du coup, j'ai eu envie de refaire des illustrations, mais comme j'étais à Nancy et que c'était plus un voyage, il fallait que je trouve un petit truc rigolo. Et je suis partie sur des filles jolies, aux cheveux rouges, mais qui allaient péter, qui allaient avoir de la salade dans les dents, etc. Du coup, j'ai choisi la pin-up et ça a créé un décalage entre l'image de la pin-up qu'on connaît et la femme libérée, quoi. C'est en fait les princesses modernes. Libérées, en fait. C'est ça. On te dit des fois la femme pète, mais pète. En fait, des avec paillettes. Des paillettes, quoi. Voilà, c'est exactement. Hein, c'est un peu ça. Non, mais là, non, justement. Elle pète vraiment, elle s'en fout. D'accord. Alors, parce que tu nous as apporté effectivement des cartes. Il y a l'univers pin-up. Il y a aussi, les hommes aussi en prennent un peu pour leur grade. Tu les égratignes. Par exemple, j'en ai une là qui dit l'homme moderne craque son slip, vous voyez, ou l'homme moderne se prend des bains de boue. Voilà, c'est très coloré en tout cas. Ouais. Bah ouais, j'avais envie d'attaquer les hommes aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et puis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées aussi avec le quotidien. De choses marrantes à illustrer, donc c'est pas fini quoi, j'en ai encore plein en tête. Donc ça c'est le côté graphisme, mais tu es aussi styliste, hein, et donc tu fais des créations de vêtements pour enfants, adultes, c'est ouais. ça ouais. Enfants, plutôt fillettes et femmes. D'accord. Donc il peut y avoir un peu aussi d'esprit pin-up. Un peu rétro, vintage, ou pas forcément. Pas ça forcément, dépend. Mais je pense que ça s'y approche quand même avec des vieilles dentelles. D'accord, ouais. Des tissus vintage, j'aime quand même bien ce style-là. Donc tu vas fouiller, tu chines un peu les tissus, tu trouves où tes... Enfin voilà, j'en ai récupéré une bonne partie. T'as tes plans en fait, où tu... Ouais. Et après non, j'achète, mais j'en ai déjà un bon stock récupéré il y a quelques années, ouais. D'accord. Et du coup, alors justement, tu dis, t'as le côté rétro qui te passionne, et il y a une époque particulière. Les pin-up, on sait que c'est souvent les années 50. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, c'est le style. 40-50, ouais. Et musicalement parlant? Oh, un peu de tout. Un peu de tout. Après, aussi. Après, je m'arrête pas aux années pas 50 et à ce style-là. Hein. Voilà, donc t'aimes bien d'autres choses aussi. Ouais, ouais. Et le rock'n'roll, t'aimes bien. Ouais. Bon, alors si on parle un petit peu concret aussi au niveau de tes ateliers, où peut-on les trouver? Alors, je suis installée depuis mi-septembre à l'atelier des couleurs. Oui. Donc Blandine y était déjà installée depuis 7 ans. C'est elle qui donne des ateliers d'art plastique en fait aux enfants et aux adultes. Et moi je donne des ateliers de couture aux adultes, donc aux particuliers et puis en groupe aussi le jeudi matin. Voilà. D'accord. C'est à Nancy, au 100 rue Jeanne d'Arc. Je voulais savoir, aussi on peut donner, parce qu'on va relayer hein, sur la page Facebook de l'émission, tu as un site internet, je crois. Tout à fait. Oui, c'est lequel? C'est www.christelleist.com. Parce que j'ai un vrai nom de famille. En fait. Oui, c'est ça, donc tu viens de le décliner à l'antenne. C'est pas marqué Youplaboum sur sa boîte aux lettres. Qu'est-ce que je rends? Et alors justement, on va peut-être faire une petite pause musicale. Ouais. On va te retrouver juste après ça. Donc on a commencé un début à t'introduire, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc après, vous arrêtez de grincer là. C'est pas possible. C'est moi, chef. Qui grince. Vous arrêtez de. Je grince. Jacques, vous arrêtez de grincer et de tousser. C'est l'âge. C'est intéressant. Rouillé. Alors on va écouter justement une première musique. Tout le monde la connaît, hein, ce titre-là. Seulement, c'est une reprise. Une reprise, un cover, je ne sais pas comment on peut l'expliquer ainsi. C'est un groupe, c'est trois filles, trois jeunes femmes. C'est les Honey Bee Trio. Et bien sûr, c'est... Alors, c'est qui ? Boogie Woogie. C'est Boogie Woogie. Allez, vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. Mes amis, il est 17h10, on est ensemble jusque 18h. Profitez du moment. Passez avec nous, tout simplement. Jam. The captain seemed to understand, because the next to the cap went on a draft of the band. And now the company jumps when he plays Reveille. He's a boogie-woogie bugle boy, company B. A brute, a tooth, a tootie attitude. He blows eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar's playing with him. And the company jumps when he plays Reveille. He's a boogie-woogie bugle boy, company B. He was a boogie-woogie bugle boy, company B. Dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors on espère que vous êtes bien installés, que vous êtes en notre compagnie au travail, dans la voiture, je ne sais pas, hein, peut-être chez vous tout simplement. Un coup d'œil dans le rétro, une belle petite émission dont on est fier depuis plus de bientôt 3 ans. À partir de janvier 2017, nous fêterons nos 3 ans d'émission. Eh oui Anaïk, hein, oui, on a commencé à 2, Jack nous a rejoint, voilà. Que le dans 5 ans on sera 10. Jack, c'est notre caution humour, hein, vous l'aurez compris, dans un coup d'œil dans le rétro. Et donc au départ, il était prévu d'aller faire un tour du côté de différents domaines, en l'occurrence la mode, la déco, les artistes, et souvent aussi de mettre l'accent sur des artisans et des artistes locaux. Et ils sont nombreux, Dieu sait qu'ils sont nombreux, même si on ne le sait pas, ici sur Nancy par exemple et environ, puisque depuis bientôt 3 ans, on a quasiment eu un invité à chaque fois. Oui, alors voilà, du monde de la danse, des créations artistiques, du monde du vêtement, enfin voilà. Et il y a souvent une démarche, nous on aime la démarche derrière parce que c'est une démarche de passionné avant tout, et c'est ce qui nous fait plaisir. Alors, là, on est dans une période bien précise de l'année. Laquelle, Christelle ? C'est bientôt Noël ! Oh, c'est génial ! Et donc, à Noël, en l'occurrence, nous mettons souvent sur le sapin des... cadeaux ! Oh. Oui, mais tu mets sur le sapin ou pas ? Au cadeau, tu mets, en fait. Tu mets sur le sapin ou au pied du sapin, mais sur le sapin ? Ah. Des bouboules. Donc nous allons parler justement des bouboules, et donc des bouboules de Noël. Alors ça fait toujours rire, mais je pense que ça fait rire depuis 1913, hein, ça. Depuis l'invention de la boule. Depuis l'invention de la bouboule, comme dit Christelle. Coup d'œil dans le porno là, soudainement. Mais tout le monde, eh ben non, ici on est plus haut que ça. On va élever le débat, mes amis. On ne rira pas de cette chose dont tout le monde rigole quand on parle des boules de Noël. Oh non, tu ne riras point. Voilà, les boules de Noël étaient parfois à rayures ou avec des dessins blancs sur un fond de couleur, et d'autres étaient creusées. Certaines étaient aussi recouvertes de fils. Il existait aussi des formes en pommes de pin, hein, donc ça pour les plus anciennes. C'était assez diversifié. C'était quand assez même diversifié. Avant. Les personnages aussi pour les décos de Noël étaient en feutrine ou en carton recouvert de tissu. Et pour éclairer le sapin, on disposait de petites pinces aux branches sur lesquelles on mettait des petites bougies comme celles des gâteaux d'anniversaire, c'est ça? Oui, alors c'était un peu dangereux pour le coup parce que si t'avais le sapin qui prenait feu, ça la fout mal. C'est vrai que c'était un peu dangereux. Ouais. Les premières guirlandes électriques étaient multicolores avec une petite partie en plastique transparente qui recouvre l'ampoule. Et à l'époque, on ne pouvait pas choisir la forme, la couleur ni la fréquence de clignotement. Aujourd'hui, on peut tout faire. On peut tout faire aujourd'hui, ouais. Et la première guirlande électrique, alors elle date. Elle a été mise au point par l'américain Edward Johnson en 1882. Il a fallu aussi attendre les années 60 pour voir apparaître les illuminations de Noël dans les villes. Donc, ouais, c'est vrai. Pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux. Une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, la mise en place des décorations de Noël et les illuminations sont souvent au cœur des programmations des villes. À Paris, par exemple, il y a toujours une star qui vient illuminer les décos de Noël. En Marcy. C'était mars. Oui, j'étais. C'était ouais. C'était sympa. Oui, je suis passé par là. J'ai vu du monde et après, j'ai vu de la lumière. T'as vu de la lumière, oui. Donc, c'était notamment l'allumage donc, des guirlandes de l'avenue des Champs-Élysées. Et à Nancy, c'est bien sûr sur notre belle place Stanislas que l'on peut admirer donc le sapin de 22 mètres venu tout droit des Vosges. Et notamment, cette année, une particularité, on a ambulé Stanislas dans une boule. C'est une boule, me dit Christelle. Ah, c'est rigolo. Boule. C'est rigolo. Boule, mais c'est joli. Ouais, franchement, c'est canon. C'est ouais, vraiment c'est canon. Ouais. On va vous mettre une photo d'ailleurs. Fausse neige. Très bien. Il manque un peu de fausse. Mais il n'y a pas pas un truc à l'intérieur. Parce que chaque fois que je vois. J'ai pas eu encore trop l'occasion d'aller le voir la nuit. Mais souvent, les photos des gens, on a l'impression que c'est un peu brumeux à l'intérieur de la boule. Non, mais c'est la buée en fait. Et donc, alors voilà. Donc, c'est un de nos joyaux un peu à Nancy. Est-ce que toi, tu as des couleurs préférées, Christelle, pour Noël? Pour le sapin. Pour le sapin. Tu l'as fait ton sapin? Non. J'aurais été sûre. Pourquoi tu l'as pas fait? T'aimes parce pas ça? Parce que je suis en coloc et du coup, on a pas fait. Mince. On a une fourmi au plafond. Une fourmi? Une fourmi au plafond. Mmh. C'est quoi une fourmi? Une fourmi en sculpture. C'est le rouge que j'aime bien, forcément. T'aimes bien le rouge? Mmh. Tu fais jamais de sapin, même un petit sapin pour toi dans ta chambre? Non. Non. Oh, bah dis donc, c'est triste. Si on veut te faire un cadeau, on le met où alors? Bah, tu vois, t'étais tellement contente d'avoir des cadeaux, on peut même pas t'en faire parce que t'as pas de sapin. Ou alors le sapin de la coloc. On en fera un. Alors. Voilà, Tu on prendra un selfie avec. Voilà, toi. Tu prendras un selfie. Et même encore aujourd'hui, à différents sapins, je vois beaucoup de gens qui ont des espèces de. Qui veulent être modifiés un peu originaux, entre guillemets, qui font des sapins en bois cadre qui s'affiche au mur comme ça qui cloue au mur alors voilà puis on met des petites bougies dedans il y a des choses aujourd'hui bon nous on est sur le sapin traditionnel de l'artificiel hein, même pas du sapin naturel bon moi je préfère le sapin naturel le sapin naturel ça sent bon quoi la déco est rouge et blanche cette année on a changé voilà comme les chaussettes de Dorothée rouge et blanche à petits pois et toi Jack t'as fait un sapin? Il va nous dire non aussi, mais c'est pas possible. Alors, c'est plus compliqué que ça. D'accord. Voilà, parce que mon chat a grandi. Ah. Voilà. Et il faut que je trouve la hauteur la plus safe. Ouais. Plus safe pour le sapin. Mais voilà. Les propriétaires de chats ont de vrais problèmes. Gros problème. Hein. Surtout que j'ai des petites étoiles en Swarovski, là, des trucs comme ça. Et s'il y en a une qui tombe, c'est le drame. Non. Bon bah écoutez, en même temps il a réussi à placer qu'il avait des étoiles Swarovski. Oh, vous savez monsieur, c'est offert, c'est du cadeau. C'est du cadeau toujours. Je n'ai point les moyens, vous savez. Avec ce que vous me payez ici. C'est la passion. Je passerai à la compta. C'est la passion ici. Voilà, Noël est une période de moi que je trouve assez sympathique. T'aimes bien cette période-là? Ouais, c'est sympa. C'est toujours assez sympathique après un mois de novembre un peu parfois compliqué. Déprimant. On arrive et on fait les petits cadeaux. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on garde notre âme d'enfant à Noël et on aime toujours ces périodes-là festives où on peut se retrouver en famille. Et d'ailleurs, on va vous proposer une musique de circonstance. C'est le rock and roll du Père Noël. Oui, bébé. Et c'était de Marcel. Je suis dans la cheminée, je crois qu'on va nous visiter. Martel. Attention, ça décoiffe. Oh. On vous l'a dit ici, c'est un coup d'œil dans le rétro. C'est du rock and roll et donc du rock and roll à Noël. Eh oui. On passe très tard comme tu vois, allez danser, rien dans la salle. Cette fois-ci, comme présent, tu as bien compris. pour attaquer le nouvel an si tu veux que l'on soit content. Et tout ton sac que tu verras, on choisira ce qui nous plaira. Les années sont les salles à cause de la rock'n'roll, la même chose. Père Noël, tu reviendras l'an prochain, on sera encore là. Si t'as aimé la danse aussi, dis-le bien à tous tes amis. Les sorts sacrés amènent tes reines, ça pourrait les mettre à la gêne. Car elles ne peuvent danser ces belles rock'n'roll du Père Noël. Le rock'n'roll du Père Noël, ça c'est de la belle musique. Marcel Martel. D'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Marcel Martel, le titre Rock'n'Roll du Père Noël ou Rock du Père Noël est un titre de 1958. Marcel Martel est un auteur, compositeur et interprète de chansons. Quel type de musique par rapport à ce que tu as entendu là, Christelle, à ton avis ? Rock'n'Roll. Plus country western, d'origine québécoise des années 1940 à 1980. C'est un moustachu. Ouais, ah, lui aussi. Il te ressemblait un petit peu. C'est vrai donc, ouais, Marcel, j'aime bien ce prénom en plus. Oui, Marcel. Petit gamin, j'habitais rue Marcel Cerdan. Oh, oui, voilà, c'est champion. C'est une petite anecdote au passage. Je me livre. Voyez-vous. Il se bat avec Guillaume. Oui, maintenant je fais de la boxe. Allez, on poursuit cette émission. Trêve de galéjade. C'est du sérieux aujourd'hui. On rigole pas. C'est du sérieux pourquoi ? Parce que notre Jack, qui est d'ici présent, rêve de rentrer dans la peau de quelqu'un. Eh oui. James Bond. James Bond. Eh oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de James Bond parce que c'est un petit peu rétro. Parce que James Bond a été créé comme il y a quelques années et du coup j'avais envie de vous parler un petit peu de mon, comment dirais-je, personnage préféré. C'est ça. Un peu mon héros. Il est né quand, James Bond ? Alors, James Bond est né en 53 de l'imagination de Ian Fleming. Ian Fleming, c'est un romancier qui a eu une petite carrière dans l'armée anglaise, dans la Royal Navy. Après des études journalistes, en 42, il est chargé de former un commando. Il recrute une dizaine de recrues et parmi ces recrues, quelqu'un sort du lot. Qui ça ? Un certain Patrick Dazzle se distingue, un skieur excellent, un espion, un combattant, quelqu'un qui avait de l'esprit, bref, un véritable 007. Ah. Mais quand on interroge ce fameux Patrick, il refuse totalement d'avouer qu'il a servi de modèle parce que lui, il n'a eu qu'une femme. Ce qui n'est pas le cas de James. En 52, donc, Fleming commence son premier roman qui sera terminé en 6 semaines. Donc 6 semaines, c'est du balèze. Hein. Quand je vois le temps que je mets pour pondre un article. Donc là, Casino Royale était né. Donc le roman sort en 53. C'est tout de suite un succès. Là, il faut le dire. D'ailleurs, si vous êtes fan de James Bond, que vous aimez l'univers cinématographique de James Bond, je vous invite à lire les bouquins parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Fleming était vraiment un romancier vraiment de, c'est incroyable. Donc, il faut vraiment lire ça. On retrouve vraiment tout l'univers, mais c'est très fin, c'est vraiment bien écrit. Voilà. Donc, en 62. De 62 à 2015, 6 acteurs ont interprété Bond à l'écran. La famille Broccoli, donc les brocolis, ce ne sont pas des légumes verts, oui, François, ça. je te vois tout de suite rire. Donc, c'est la famille de producteurs qui ont créé Aeon, la fameuse maison de production qui produit tous les James Bond depuis. Hein, exige que tous les acteurs soient issus du Commonwealth. Qu'est-ce que c'est que le Commonwealth, François ? Bah écoute, je suis en train de me poser la question. Wales, c'est en gros, ce sont tous les pays régis par la reine d'Angleterre. D'accord. En gros, voilà. D'accord. Hein, donc Canada, Australie, Grande-Bretagne, Irlande, Pays de Galles, Écosse. D'accord. Et tutti quanti. Les interprètes donc furent Sean Connery, un Écossais. Bien sûr. George Lazenby, un Australien qui ne joua que dans un film en 69, au service secret de Sa Majesté. On y reviendra plus tard. Roger Moore, Roger Moore. Un Anglais. Timothy Dalton, un Gallois. Pierce Brosnan, un Irlandais, et de nouveau un Anglais, plus récemment, Daniel Craig. Oui, pas mal. Très bon, Daniel Craig. Pour le prochain, les paris sont ouverts. On sait toujours pas ce que va décider Daniel Craig d'ailleurs, hein, parce que bon, il dit j'y vais pas. Donc au mois d'octobre, il a dit bon ben j'y vais peut-être parce que en fait c'est le meilleur métier du monde. Bon, alors la petite histoire, c'est qu'on lui a proposé 88 millions de dollars pour signer pour deux films. Mmh. Il a dit non. Ils ont reproposé 131 millions de dollars. Donc on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, bon, tout ce qu'on sait, c'est que ça sera pas Alice au pays des merveilles, hein, le prochain James Bond. Quelle classe, François. Ah, on met des effets spéciaux aussi. On met des effets spéciaux. Alors, combien de films officiels? Alors, il y a 24 films officiels et 2 non officiels. Hein. Le premier film non officiel, c'est un Casino Royale en 67. Il y a aussi une petite série autour de James Bond, pareil dans les années 60, avec David Niven, hein, qui n'a pas voulu jouer de rôle d'ailleurs dans les films. Et Jamais plus jamais en 83. Pareil, qui ne fait pas partie, mais qui revient totalement dans l'univers de James Bond. Hein. Les films officiels sont donc tous produits par Ion, la société de notre ami Walter Broccoli et Harry Saltzman. Désormais, c'est Barbara, la fille de Walter, qui dirige Ion. Hein. C'est vraiment, alors ça, c'est de la très grosse maison de production hollywoodienne. D'accord. Alors. Venons-en à la musique. Alors la musique dans James Bond, c'est un petit peu ce qui nous intéresse aussi dans au coup d'œil dans les trous. Le fameux thème qui ouvre traditionnellement tous les Bonds, hein, c'est ce que vous entendez là derrière nous, c'est le James Bond theme ou Barrel Gum, a été composé en 60 par Monty Norman et orchestré par le légendaire John Barry. John Barry, tous les fans de musique connaissent John Barry, qui a une discographie impressionnante. C'est une légende de la musique, qui est décédée malheureusement. Les plus grands interprètes donc furent Shirley Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, The Wings, Tina Turner, A.A., Duran Duran, Cheryl Crow, Madonna ou Adele. Les Beatles ont utilisé une partie d'une James Bond theme dans l'introduction de la chanson Help. Eh oui, Help. Oui, c'est vrai. Et si on en venait un petit peu aux voitures et à l'automobile, Jack? Alors, les voitures, alors James Bond est anglais, il roule en anglaise, mais pas que. On l'a vu notamment dans une 2 chevaux, on l'a vu dans une BMW Z3, dans une Renault 11, et oui, une Renault 11 qui termina découpée en morceaux dangereusement vôtres. Et la première de toutes, ce fut une Sunbeam Alpine dans Dr. No en 63. Bref, une liste à faire pâlir le fan que je suis, parce que au fur et à mesure des films, les voitures deviennent de plus en plus dingues. La dernière Aston qui était dans Spectre était complètement irréelle. Je l'ai vue, je l'ai croisée dans les rues à Paris pendant un espèce de tournage. C'est quelque chose, j'étais bouleversé. Mais dans les James Bond, les voitures, elles finissent toujours cassées. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un budget, hein, 35 millions de dollars dans le dernier. Le prix des voitures. Ouais. C'est un budget. Bref, James Bond nous fait rêver depuis 53 ans quand même. Hein. C'est quand même un héros qui a de l'âge. Hein. Chaque épisode est un nouveau défi scénaristique et technique. Les deux derniers opus ont rapporté quand même 2 milliards de dollars. Et le moins bon fut Meurt un autre jour. La bande originale, c'était avec Madonna, souvenez-vous, Die Another Day. C'est vrai. Et Pierce Brosnan et Sophie Marceau. 430 millions de dollars. Et oui, voilà. Eh bien, merci à toi pour ce coup de cœur sur James Bond, qui te passionne depuis de nombreuses années, mon Jack, et notamment aussi pour le côté automobilesque de l'affaire. Hein, parce que tu peux, parce pas que. Parce qu'il y avait quand même une paire de bagnoles, oui, pas que. Ouais, il y a des belles montres traditionnellement. Ouais. C'est le luxe. C'est un univers, c'est les voyages. C'est la classe à la James Bond. Un petit peu, oui. On va écouter un titre d'ailleurs, il est 17h28 les amis. Un titre que tu nous proposes. Exactement, We Are The Time In The World. C'était au service secret de Sa Majesté avec George Lazenby. C'est le seul titre qui ne porte pas le nom d'un film. Il est seulement sorti en 94 en single. Et c'est Louis Armstrong. Un titre parfait pour terminer sur Fred Jett comme ça. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us. We have all the time in the world de Louis Armstrong. Un coup coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors si on allait revoir notre Christelle, hein, un petit peu, elle est là, elle est toujours avec nous. Tu vois, j'ai mis un coup de pression là, bam, ding, ça a sonné dans les oreilles. On a ça va Christelle? Oui, alors, c'était intéressant, James Bond. Bah ouais. Eh bien, on veut savoir aussi une chose, est-ce qu'il y a des petits articles de mode comme ça qui te plaisent, que, je sais pas, par exemple, là, d'ici quelques instants, on va parler de pins, hein, voilà, pour tout te dire. Mais est-ce qu'il y a des petites choses, oui, les pins, qui sont revenus au goût du jour depuis quelques temps, au même titre que les badges. Alors, les badges et les pins, hein, c'est deux choses différentes, tout de même. Le pin, c'était souvent métallique, c'est ça, et le badge, parfois un peu plus gros. Enfin bon, on va en parler d'ici quelques instants. Est-ce que toi, tu as un article de mode en particulier qui, d'une époque, je sais pas, tout à l'heure, on parlait du bandana, justement. Oui, et le bandana, on ne sait pas encore vraiment l'origine. Et à quoi ça servait surtout si j'ai cherché sur Internet et la seule explication, c'est qu'elles le portaient pour attacher leurs cheveux, pour faire le ménage ou des trucs comme ça. Mais c'est pas très précis. C'est pas très précis. Toi, Jack, justement, tu disais que les bikers en avaient aussi. C'était un accessoire vraiment essentiel à l'époque, puisque voilà, les bikers s'en servaient pour mettre sur le nez, machin, pour pas avaler la poussière. Les militaires les mettaient dans le casque. C'était un peu plus confortable, enfin ça servait à plein de choses. C'était les gangs le mettaient sur les bras, c'était un révélateur de gang, donc il y avait le bandana noir, jaune, vert, machin. On en avait parlé dans un coup d'œil Et quelques mois d'ailleurs, on fera peut-être un petit saut pour aller rechercher les investigations du bandana. Il faut mener l'enquête. Faudra mener l'enquête, mais aujourd'hui, on parle du pins et notamment j'ai envie de dire notamment pourquoi j'ai dit ça. Je cherche pas, mes mots là, c'est une catastrophe. C'est toi qui nous en parles, Anaïk, le pins? On peut faire ça. T'as ton pins? Alors moi j'en ai beaucoup, les pins, hein. J'avais même un petit tableau en liège pour tout vous dire. Oui, moi aussi. Moi aussi j'avais un tableau en liège. Je les ai gardés, seulement j'ai perdu toutes les attaches. Malheureusement, je n'ai plus aucune attache. Et donc c'est une problématique, c'est que je ne peux plus les mettre sur mes vêtements parce que j'ai plus l'attache derrière. Je ne sais pas si on peut retrouver. Mais c'était bien sûr une star des années 90, hein, et le pins fait son grand retour pour l'hiver 2016. Tout à fait, François. Alors l'histoire du pins, parce qu'évidemment le pins, il est un petit peu ancien quand même. C'est bien entendu le badge en fait qui est apparu au XVIIIe siècle, mais qui a connu son heure de gloire dans les années 70. Ah, donc à la différence du badge, le pins se fixe avec une attache dorée. Tu l'as dit, qu'on appelait le papillon. Le papillon. Donc t'as des boucles d'oreilles. Papillon. Le papillon. Donc un des premiers pins donc était à l'époque le pins de l'ORTF qui a été créé en 1968, et en France en fait c'est en 1987 que le pins publicitaire à l'époque connaît son vrai lancement à l'occasion du tournoi de tennis, donc Roland Garros. Donc c'est vraiment en 87 que chez nous en France le pins de par Roland Garros a connu en fait pour moi c'était plus succès. Tard mais c'est vrai que ça fait que 30 ans quoi. Mais non, mais c'est pas si vieux. En fait, donc il y a plusieurs sortes de pins, il y en a en porcelaine, en bois ou en plastique. La plupart des pins étaient constitués de manière un peu émaillée, de différentes qualités. Donc il y avait des pins en résine époxy. Donc c'est un peu la qualité standard des pins fabriqués en Chine, Taïwan. Voilà, qui représente un peu la majorité des pins. Il y avait aussi des pins en émail à froid. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait la qualité là était plus intermédiaire. Leur valeur à l'achat était un peu plus élevée. Et puis enfin une troisième catégorie, les pins en zawak. Donc c'était un alliage par contre de haute qualité, constitué de zinc, d'aluminium et de magnésium, et aussi de cuivre. Voilà, donc cela coûtait un petit peu. Coûtait bon bec. Ouais, non, mais c'est vrai. Déconner. Et la production de pins, elle a explosé quand réellement? Alors la production de pins, elle a explosé en 5 ans et jusqu'aux Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Voilà, période pendant laquelle toutes les sociétés se sont mises à distribuer des pins un peu publicitaires, donc à leur effigie. Donc il y avait toutes les boîtes qui sortaient des pins. Je pense que par exemple l'usine de Vittel a sorti des pins, Renault a sorti des pins. Et alors il y avait différentes collections aussi de pins, même pour une seule et même boîte. Je pense à Vittel, des collections. Alors par exemple, je me rappellerai de cette, c'était la milliardième bouteille. Ça c'était en 90 si je ne m'abuse, et donc ils avaient sorti juste un pins pour ce moment-là, tu vois. Donc du coup c'était vraiment un produit promotionnel. Est-ce qu'on l'utilise encore aujourd'hui? Peut-être plus trop forcément. Alors aujourd'hui le pins, donc c'est plus une affaire, enfin plus une affaire de collection, un peu voilà, les collectionneurs en recherche. Maintenant, au niveau de la mode, si vous allez par exemple, alors je vais citer un des magasins, mais des grandes boutiques qu'il y a chez nous à Nancy, comme H&M ou Zara, vous allez retrouver des pins, parce que effectivement, ouais, pour cet hiver, en fait, vous pouvez retrouver des pins sur les sacs à main, sur les chaussures, en fait, ça sert à customiser un petit peu les voilà les accessoires, enfin les vêtements, tout simplement. Combien ça vaut un pins? Alors c'est un peu délicat comme question. Le pins, en fait, il vaut un peu ce que l'acheteur est prêt à payer. Selon la rareté. Selon la rareté, oui. Alors les amateurs sont plus ou moins raisonnables. Il faut savoir que l'immense majorité des pins n'ont aucune valeur marchande de nos jours. Seuls ceux qui s'inscrivent dans des thèmes recherchés et qui ont connu des tirages limités peuvent se monnayer. Donc on les trouve généralement aux alentours de 10 à 50 centimes d'euros pièce sur les vide-greniers. Donc voilà, c'est complètement abordable. Les collectionneurs entre eux peuvent les négocier autour de 3 à 4 euros et certains sont prêts à payer des pins plus rares jusqu'à une dizaine d'euros. Mais voilà, après 10 euros, ça reste quand même un peu exceptionnel. Même pour les pins. Pour le pins parlant TF1. Ah oui, ce truc là. Bonjour, je suis Jean-Pierre Pernaut. Il n'y avait pas un pins qui donnait l'heure aussi, un truc. Non, c'était une montre. C'est la montre parlante. Ah oui, les pins parlant TF1. Mais ils ont fait plusieurs de ces trucs-là, c'est exceptionnel. Et alors du coup, si on poursuit un peu là-dessus, l'engouement a quand même été un petit peu affaibli au fil des années, non ? Oui, alors au milieu des années 90, effectivement, l'engouement a faibli progressivement pour ne plus concerner que les collectionneurs donc avertis. Aujourd'hui, le pins fait un peu son retour, son comeback. Ah ouais, le comeback, ouais. Je suis allé à une conférence de presse où ils m'ont offert des pins l'autre fois. Ah bon ? Tu vois ? Ouais, des Allemands, la Retro Classics Stuttgart, ils m'ont filé un pins. Tu vois ? Et du coup, je trouve que ça, de toute façon, tout ce que quand tu touches à l'affect, un peu comme ça, qui est notre passé, un peu, voilà, automatiquement, ça nous rappelle à notre enfance et ça fonctionne. Tu t'en rappelles d'ailleurs à cette heure-ci. Et donc, si on parlait justement, tu l'as dit tout à l'heure, des grandes chaînes. Oui, il y a des grandes chaînes, voilà, qui en vendent pour l'hiver. On peut en trouver donc sur les sacs à main, les chaussures. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est un peu ludique, c'est un peu fun, c'est pas cher quand même. C'est bon marché, c'est branché, et c'est aussi voilà, les hommes et les femmes peuvent porter des pins. C'est pas forcément qu'un accessoire soit féminin ou que masculin. On peut en changer tous les jours parce que selon l'humeur. Voilà, selon l'humeur. Moi, je trouve des fois sympa en fait, en fonction de l'humeur du jour. Comme des émoticônes. Exactement, en fait. C'est l'émoticône, mais tu sais que tu agrafes avec ton petit papillon derrière. Est-ce qu'il y a des créateurs qui s'en sont lancés? Ouais, il y a des créateurs qui se sont lancés un peu dans le pins, comme, avec des marques comme Coucou Suzette ou Owen. C'est énorme. Non, mais allez voir, franchement, ils vendent des pins assez sympas, assez rigolos. Et bien sûr, vous pouvez en trouver sur les vide-greniers ou peut-être en retournant chez vos parents, si ça se trouve, effectivement, quand j'étais petite, je faisais une collection de pins. Moi, j'ai une question très technique. Hein, je ne sais pas, vous voulez. Parce que tu fais du stylisme, hein, donc Christelle, tu vas peut-être pouvoir répondre à ma question. Alors, c'est particulier, ça concerne le pins. Est-ce que lorsqu'on a un pins sur un pull, est-ce qu'on en met un ou on en met plusieurs au même endroit ? À votre avis ? Ah, oh, moi, je pense qu'il faut en mettre trois. Parce que un, ça fait trop juste. Ouais. Non, c'est perdu. Ah, c'est perdu. Ouais, c'est. De quoi, c'est perdu ? Bah, il est perdu tout seul. Bah oui, ouais, non, mais tu vois. Non, je pense qu'il faut en mettre plusieurs. Ouais. Mm-hmm. Et voilà, est-ce que tu mets des pins, par exemple, si t'as toutes les marques de gâteaux? Il faut que ce soit la même thématique. Oh non, tu peux mettre un SNCF avec le TGV, le pins parlant Jean-Pierre Pernaut. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux passer des messages. La SNCF, oui. Un petit pins où il est un smiley un peu en colère. Et un petit pins de la CGT. Voilà. tu vas dire, ça, ça peut être pas mal. C'est un peu comme si, à la raison, Christelle, c'est un peu comme si tu portais un émoticône sur toi. En fait, aujourd'hui, j'ai la patate ou j'ai la dalle. Est-ce que son concurrent direct est le badge? Moi j'ai des questions qui piègent. Oui, hein. Après, oui, ouais. On peut. Mais le badge est plus gros. Hein. Oui, le badge est plus gros, effectivement. Et puis là, pour le coup, si t'en mets 3 ou 4, on ne voit plus, quoi. Tu vois, c'est pas. Bon. Eh bien, merci à cela. Les pins, voilà. C'est encore une tendance qui revient, qui n'a de cesse de revenir, qui ne date pas encore vraiment, excessivement, puisqu'on parle de tout juste une trentaine d'années. Mais on le dit assez souvent, le rétro, d'ici 20 ans. dans, voilà, déjà les années 90, à cette heure-ci, on en avait parlé déjà au fait des lunettes, tu sais, qui reviennent aussi à la mode actuellement, sur les lunettes et les montures qui nous horrifiaient, qui nous exécraient dans les années 90, pendant une période d'adolescence, qui étaient ces montures assez fines, mais grosses comme ça, assez arrondies. Ça te mangeait le visage, en fait. Autant vous dire que c'est le grand retour de ces montures-là, qui reviennent au goût du jour. Donc, les années 90 en force. Allez, on poursuit cette émission, les amis. Mine de rien, on approche tout doucement. On a encore une vingtaine de minutes ensemble. On va encore discuter, bien sûr, avec Christelle de tas de choses d'ici quelques instants. Mais sans plus tarder, on va faire une pause. Alors, on aime bien tout ce qui est reprise, hein, nous, un peu moderne, réactualisé, mais des titres par des groupes anciens sur la base. Là, c'est du Rockabilly, c'est The Baseballs qui reprennent Umbrella. Umbrella de Rihanna, bien sûr. The Baseballs est un groupe allemand de rockabilly fondé à Berlin en 2007, connu grâce à des reprises de chansons modernes, très connu en les jouant dans un style rockab des années 50. Allez, on est ensemble encore une vingtaine de minutes, les amis. Merci d'être avec nous. Baby, cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could not without me, stick it out till the end. Together we'll mend your heart. Baseball sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors mes amis, un coup d'œil dans le rétro. Alors on va faire quelques petits coucous très rapides, je ne sais pas. Hein. Moi je prends un like comme un coucou, donc on va faire un coucou notamment à Aurélie. Qui nous écoute, je crois, aussi en direct de la C1. De la chirurgie 1. De la chirurgie 1 ? Oui. Ah, j'ai cru que c'était ta voiture, moi. On est censé avoir la même voiture, donc... Ah oui, d'accord. Donc, elle nous écoute en direct de la C1. Donc, on te fait un petit coucou, Aurélie. Et puis, à tous nos auditeurs qui sont là régulièrement. Je pense à Sandra, je pense à qui ? Je ne sais même plus. Il y a, je crois, Biki qui nous écoute de loin aussi. Peut-être même de Paris. Flo aussi, qui peut-être nous écoute aussi. Voilà, on fait tous un petit coucou. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un message, c'est comme ça qu'on peut savoir si vous nous écoutez. Alors on poursuit cette émission, il nous reste un petit quart d'heure ensemble, et on parlait justement très rapidement des années 90 qui reviennent au goût du jour. Là on est dans la vingtaine d'années maintenant, quasiment la trentaine d'années, et donc toi c'est une période comme nous, parce qu'on a quasiment le même âge, que t'affectionnes parce que c'est ton adolescence. Exactement. Et donc tu organises des petites choses autour de ça. Oui, alors l'année dernière avec une amie on a organisé un week-end de colo pour adultes. D'accord. Ouais. Et le thème c'était les années 90, donc c'était comme une colo pour enfants avec plein de jeux tout le week-end en mode 90 avec le look qui allait avec. On a offert des petites cartes avec des personnages de l'époque à chacun. C'était génial, vraiment. Avec les dortoirs et tout. Enfin, exactement. On avait dans donné des looks aux dortoirs. Donc, mais je suis en train de vous poser la question. Les looks, c'était quoi alors les looks? Bah, la veste en jean, le pantalon taille haute. Ah, c'était horrible ça. Neige. Ah, ouais. Trop large en fait. Le pantalon neige. Trop large. Le bombers. Ouais. Ah oui, mais le bombers. Ah bah, j'en ai un, moi, de bombers. Ah ouais, voilà. Mais il y a aussi les pulls trois fois trop larges aussi, un peu, non? On mettait pas les pulls. Ouais, les épaulettes aussi. Un peu, ouais. Ah oui, c'est plus 80 les épaulettes. C'est plus 80? Ouais. Est-ce que je suis en train de vous poser la question? Alors bon, l'éternel sweatshirt LC Waikiki. Voilà. Oui, c'est Dodido. Ah oui, poivre ouais, blanc. Ouais. Donc tout ça, c'est génial. Vous avez passé un moment. Et... Ah, c'était trop bien. Et les gens avaient de 18 ans à 60 ans. Donc c'était ah ouais, vraiment d'accord. Super. D'accord. Bon, bah écoute, c'est une bonne idée. Moi, j'aimerais bien participer, ça ferait plaisir. On en refait une au mois de juin. Vous en refaites une au mois de juin. Sur une autre thématique, mais chut, c'est secret. Ah, chut, c'est secret encore. Et bien, justement, pendant que tu es avec nous, on voulait parler et détailler un petit peu, parce que c'est quoi une pin-up aujourd'hui? Toi qui es spécialisée là-dedans. Alors, la pin-up, donc je vais sortir mon anti-sèche. Oui, mais ne fais croire que tu n'as pas l'anti-sèche. Alors, non, c'était une blague. C'était une blague. Donc, voilà. En fait, la pin-up, elle est née d'abord en 1897. Oui. Avec monsieur Gibson, ou Gibson, je ne sais pas trop. Ah, d'accord. Donc, il l'a illustré pour un magazine. Et donc, ça représentait la femme libérée, attirante et sophistiquée. D'accord. Voilà. La femme attirante, sophistiquée. D'accord. Voilà. Ensuite, on l'a revue durant la Première Guerre mondiale sur des calendriers. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans les films, tu vois toujours des calendriers pin-up, c'est ça. Rétro, ouais. C'est exclusivement aux États-Unis, on est d'accord? Oui, oui, oui, beaucoup. Oui. Ça a ouais, gêné aux oui. États-Unis. Ouais. Mmh. Et durant la Seconde Guerre mondiale, du coup, les GI décoraient les avions de l'armée, donc avec des pin-up géantes, du coup. Mais qui étaient. Donc c'était. Le fruit de leur imagination. Ouais, voilà. C'est pas la représentation d'une femme proche ou autre. Non, non. C'était le fruit de leur imagination. Il n'y avait pas encore des modèles à ce moment-là. Voilà, il n'y avait pas après, encore. Après, il y a eu des modèles. Ah, il y a eu des modèles pin-up. Humaines pour pouvoir être illustrées. Voilà. D'accord. Après, on les voit dans les comics, les BD, tout ça. Mmh. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et au début des années 40, du coup, c'est le mot pin-up qui apparaît. Donc, qui veut dire épinglé au mur. Donc, parce que c'était les. Du coup, l'armée, les GI qui épinglaient ces photos-là. Ah, c'est marrant que ça soit. Parce que c'est, moi, dans ma tête, c'est vrai qu'on ne connaît pas la définition particulièrement de pin-up, donc ça veut dire épingler. Ça n'a rien de. Ou tirer à quatre épingles. Ah, il y en a qui disent ça aussi. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Après, il y a eu un succès, du coup, dans les années 50, aux États-Unis. Mm-hmm. On les voyait dans les magazines, les journaux, les calendriers. Les camionneurs les mettaient dans leurs camions. Et ça continue jusque dans les années 70, où là, on les voit dans les pubs. Donc, Coca, notamment, là, on les a vraiment vus. Oui, c'est partout. Vrai, oui. Et dans le magazine Playboy, tout ça. Et Marilyn Monroe, elle a contribué quand même, quoi, parce que voilà. Tu voyais tous les militaires, enfin on les voilà, les aviateurs. Enfin, moi je me souviens d'un reportage sur elle où elle descend de l'avion, elle salue comme ça, et puis t'as tous les mecs. Ça c'était en Corée, je crois. Ouais, je crois, ouais. Qui sont là. Elle était vraiment acclamée, quoi. Elle était attendue, quoi, presque par les. Ah ben 6 mois de régiment. Oui, voilà, c'est sûr. Et voilà, et aujourd'hui, ça revient un petit peu. Avec le modèle qui s'appelle Dita Von Teese. Ah, bah bien sûr. Ah oui, elle est feilleuse. Pin-up, du coup. Elle ne vieillit pas, cette dame. Voilà. C'est vrai. Écoute, je ne sais même pas quel âge elle a. Quoi. Elle a été la compagne de Marilyn Manson. Ouais, exact. Ils ont tout été à mariés, fait. Si je ne m'abuse. Qui est un peu flippant comme gars, quand même. Oh, il a des pratiques un petit peu déviantes, quoi. Et voilà. Et aujourd'hui, ça reste. C'est une mannequin, on peut le dire ainsi, ou enfin une pin-up. C'est la reine du burlesque. C'est la reine du burlesque. Voilà. Exactement. Donc elle se produit régulièrement dans ce monde-là. Et en France, est-ce qu'on a une pin-up, nous, représentative? On n'en a pas. J'allais dire Ariel Dombal, mais non. Non, je sais. Vrai, hein, les mots me manquent. On n'a pas de Marilyn Monroe, de Dita Van Cleef, de... On n'a pas de figure iconique. On a eu des James Bond girls, mais Bardot, c'est vrai. Elle est plus. Bon, aujourd'hui, non. Mais c'est normal, elle vieillit, mais en même temps, on verra très certainement, comment elle s'appelle, Edith Avantis, dans 40 ans, elle sera peut-être un peu comme Bardot. La pinope était pulpeuse, quand même, et pulpeuse. Ouais, c'est pas non plus la brindille. Il y a des formes généreuses. On peut dire finalement que Brigitte Bardot peut être notre dernière pin-up, si tant est qu'il y en aura peut-être une autre. Encore des petites choses à dire sur les pin-up? En fait, après, maintenant, il y a aussi le retour du burlesque qui va avec. C'est ça. Voilà. Ouais. Et puis non, ça y est. Après, il y a des illustrateurs aussi. Qui illustre encore des pin-up comme Jean-Pierre Gibras, c'est des BD du coup. Ouais. J'adore comment il dessine. Et toi? Et moi? Il y a lui et puis il y a moi. Il y a lui et puis il y a toi. C'est tout. J'ai envie de faire une toute dernière pause musicale, et parce que justement on en parlait. On en parlait. C'est Brigitte Bardot, c'est notre pin-up à nous, bien sûr, sur un outil motorisé, iconique, lui aussi. J'ai nommé la mobylette. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. De mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Oh, que m'importe de cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Allez, c'était notre pin-up à la française, Brigitte Bardot, Harley Davidson. Les amis, ça se termine tout doucement, mais il nous reste encore un petit peu de temps, bien sûr, une dizaine de minutes à peine, 8 minutes pour être précis, et après s'en suivra d'autres programmes pour la soirée sur Fadjet. Restez à l'écoute, bien sûr, mais là on va faire un petit tour du côté des sorties, et notamment on va te redonner aussi la parole à toi, Christelle, où on peut te retrouver d'ores et déjà à partir d'aujourd'hui ou demain? Demain au Petit Bazar. C'est le Petit Bazar qui en est à sa 16e édition. 15e. L'anniversaire. C'est l'anniversaire et aussi la dernière, de l'organisatrice générale. J'ai cru voir ça dernièrement. Ah bon, je sais quoi pas du tout. Oui, elle passe le flambeau, je crois. J'ai vu ça dans le journal dernièrement, si je ne m'abuse. C'est pas une information que je confirme à 200%, mais je crois avoir vu ça cette semaine. Non, c'est la 15e édition. Après, pour le reste, je ne sais pas ce que tu disais. Mais toi, du coup. Donc, je serai là-bas, oui. Tu es élu domicile depuis plusieurs années là-bas ou c'est la troisième année. Donc demain j'y suis. Pour expliquer ce que c'est que le Petit Bazar. Oui, le Petit Bazar, c'est un marché de Noël d'artistes. Donc il y a plus de 150 artistes qui exposent et vendent leurs créations. D'accord. Des illustrateurs, des céramistes, des créateurs textiles, De tout. D'accord. Et c'est où précisément? C'est aussi Alstom. D'accord. Au Berlin. L'entrée est libre, hein. Enfin, oui, c'est gratuit. Entrée libre. Voilà. Ça, c'est tout le week-end? Oui, tout le week-end. Il y a de la bière, il y a des concerts, il y a à manger. Ah, donc c'est le soir aussi? Demain jusqu'à minuit. Demain jusqu'à minuit. Et dimanche de 10h à 20h. D'accord. C'est ça, les soirées. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà aller trouver notre Christelle là-bas, lui faire un petit coucou. Je serai à côté de la scène. Elle vous accueillera avec son grand sourire et ses cheveux rouges. Et ses chaussettes. Et ses jolis cheveux rouges. Et en ce qui concerne les prochains. Alors, il y a peut-être d'autres marchés de Noël où on peut te trouver? Oui, alors le week-end prochain, je serai au marché de Sarrebourg. De Sarrebourg. Ouais. Donc pareil. Donc, samedi et dimanche. Là, je ne me souviens plus des horaires. Tu ne te souviens plus des horaires. Mais alors, surtout, et encore une fois, toute l'année, où ça? Alors, à l'atelier des couleurs, au 100 rue Jeanne d'Arc. Au 100 rue Jeanne d'Arc. En face de chez Jackie et Michel. Ouais. Ouais. Ah, je savais pas. Coup d'œil dans le porno. Ah, enfin. Tu sais que ça va trop parler aux gens. En plus. Trouvez-moi en face de Jackie et Michel. C'est nous. En fait, tu dis ça à chaque fois. On va être pour te citer. Parce que ça marque les esprits. Oui, bah oui. Ah, complètement. Mais quel emplacement de choix. Et puis moi, ça m'a fait tout de suite. Hop, j'ai vu tout de suite où elle était. Au-delà de ça, t'as quand même une page Facebook aussi. Oui. On peut retrouver tout ton actu, tout ce que tu fais. C'est un groupe aussi. C'est un groupe Facebook. Oui, il y a un groupe aussi. Voilà, où tu donnes des infos. Mais c'est surtout la page Facebook pour te suivre. Les pages, oui. Christelle Youplaboum, ouais. Et l'autre, c'est Ilomio pour tout ce qui est création textile. Bon, bah voilà, c'est plutôt pas mal. On a tout dit sur Christelle. Qui peut-être, une annonce à faire, peut-être, reviendra nous voir ces prochaines semaines pour faire quelques chroniques avec nous. À chaque fois qu'on a un invité, on va avoir un chroniqueur. Ouais, c'est la plus grosse famille. Studio avec petit, la plus grosse famille du studio. Alors, il y a d'autres choses aussi à faire ce week-end, Anaïk, et notamment. Alors, notamment demain, effectivement, vous avez une soirée swing électro Charleston de 20h à minuit au restaurant L'Unique à Épinal. Donc, cette soirée est organisée par Wilfried Danse. Qui vient tous les mois de septembre, lui, pour nous donner ses programmations dansantes de l'année. Demain aussi, il y a une soirée 100% West Coast Swing de 21h à 1h au bar Le DNM à Nancy, organisée par Westin Swing et l'association 3 et 4 qui donne des cours de danse. Et l'entrée est à 5€ avec une conso et les billets sont disponibles sur westinnancy.com. Quoi d'autre? Alors, je vais un petit peu plus loin, parce que on va partir en vacances, ça va être les fêtes de fin d'année, donc je vais vous parler du 6 janvier. En fait, il y aura Pierre Homer Swing Revue de 21h à 1h du matin, donc au Mud Club à Strasbourg. C'est organisé par l'association VDK. Donc, je pense que c'est un truc à aller voir si vous êtes du côté de Strasbourg. C'est une revue qui est composée de 4 dandys transocéaniques au costard bien ajusté. La musique rappelle un peu l'âge d'or d'Harlem, les marées en fait de la Nouvelle-Orléans, du swing manouche. Le tout sera mené par le savant pilier genevois Pierre Homer, donc il est assez connu, qui était un bluesman, un bonimenteur avec l'orchestre funéraire Dead Brothers, et puis le soliste des 2007 et enfin meneur de swing revue. Donc c'est quand même un monsieur en fait dans le monde du swing. La soirée sera agrémentée donc par la présence aussi d'une danseuse fakir, Lala Morté. Mm-hmm. Donc je vous invite à y aller, à mon avis ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et on continue sur le mois de janvier. Il y a un spectacle hommage le 19 janvier à Frank Sinatra et le meilleur du swing. Et ça, c'est à la salle Poirel de Nancy avec 17 musiciens, le chanteur Paul Wood et la chanteuse Fiona Page. Ce nouveau spectacle créé et dirigé par Frank White pour célébrer les 30 ans de The Glenn Miller Memorial Orchestra apporte un nouveau concept à nos concerts. Donc, il inclut la célébration du centenaire de Frank Sinatra tout en continuant de jouer les morceaux les plus populaires de l'ère du swing. Les billets sont disponibles sur anime15.com. Et bien voilà, mes amis. Malheureusement, on va devoir se dire au revoir. C'est j'ai fini. L'impression. On a fini l'année. Oui, on a terminé. On termine l'année. On peut d'ores et déjà souhaiter une belle année 2017 avant l'heure. Je ne sais pas si ça porte bonheur. On va déjà souhaiter un joyeux Noël. Soyez gâtés, gâtés les gens autour de vous. Aimez-vous. Voilà. Embrassez-vous. De bonnes fêtes de fin d'année. Que tout ne soit qu'amour. C'est ça. C'est notre crooner amour. Je ne suis qu'amour. C'est notre Frank Sinatra à nous. C'est notre crooner amoureux. Frank Sinatra déménagé. Prochaine prochaine date en ce qui concerne, eh bien, en ce qui concerne Coup d'œil dans le rétro, Anaïk, est-ce que tu l'as en tête? Normalement, ça tomberait le 20 janvier, si je ne m'abuse. Ça tombe le 20 janvier. Oui, ça tombe. Bon. Eh bien, les amis, la première, ça sera le 20 janvier avec l'équipe au complet. Peut-être Christelle, elle nous le dira. On verra. Ça me dit bien. J'imprime le contrat. Les programmes continuent sur Fadjet. Restez à l'écoute. À 18h30, c'est Charlienko, Hot 40. Le Hot 40 à 20h. Électrochoc, 21h, 22h, Party Time. Nous, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Bisous. Et oui, on va peut-être écouter une dernière petite musique pour terminer. J'ai envie de nous mettre un. Un quoi? Fais-nous rêver. Ah oui, c'est bien ça. Un Elvis. Ah oui. Le 15. Gel House. Vendredi soir. House. Rock. Allez les amis, bonne soirée à tous. Bon week-end. Ciao, ciao.